Bien, j'ai trouvé un petit AC 30 qui est pas mal. We'll be right back. qu'on allait danser le soir. Je me revois là ton enfant. Mineur, mineur. Ah merde, c'est pas mineur. mineur. Oublier ses peines, pour bercer un enfant enchanté, pour pouvoir dire je t'aime, chanter tout le temps. Bien, c'est du Laurent Brunel. Quoi? On fait n'importe quoi. C'est qui qu'il y a de la distorsion en tout temps. Je vais à New York avec toi. 40. Je sais pas jouer, la massacre. Comment tu veux placer le refrain ? ses doigts. On y jouera, tu verras. Dans les belles peignants, on les y ne fait pas croire. Il ne fait pas croire, si tu crois, et j'y crois. J'ai une compo là. Allez, je vous fais un truc. Attends. Je sais pas si vous avez aimé. J'ai un truc là. J'ai un truc qui peut arriver, partir tout de suite. En 32. Ça fait bon, ça fait démerdez-vous. Bon, j'y vais, mais il faut 32. Ah, il y a un batteur, super. Bonjour, Krilo. Non, ça fait ré. Après si. Bon, attends. Ah, merde, je me rappelle. Attends. Si la sol ré. Si la sol ré. Batteur, Mr. Drum, ready? Start to walk. One, two, three, four. Non, j'ai raté le départ. I'm sorry. Super batteur. Nice thriller. One, two, three, four. Non, non, attends. Attends. One, two, three, four. Non, non, mais les mecs partaient pas trop. Part sur le ré. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. Regardez, repasse en 16. We'll be right back. balance à ton karma. Fais-le en 16. Restons sur ton truc, hein, 16. File, envoie un riff. Parce qu'il y a le batteur, il commence à s'emmerder. Ok, 1, 2, 3, 4.